je crépite. Toute ma vie, je crépiterai. Je suis chaud comme la braise. Ok. C'est allumé. Je peux contacter les gens dans le futur. Je vois des voitures qui volent au travers de ma tête. Ah, j'entends pas, il y a quelqu'un qui parle mais j'arrive pas à... Allô? Allô? Allô? Salut Sam, y a pas de mot de passe, non. Salut tout le monde sur la chat hier, c'est bonsoir. C'est la folie ce soir. C'est la fête foraine. Bon. Ça y est, c'est reparti. C'est pas possible. Thank you. comprends rien à Asio. Et on accueille Sam. Salut Sam. Alors, salut Sam. Black waffles, you cook them too much. Na-na-na-na. Waffles, you cook them. Y'a moyen qu'on aille un peu plus vite, si ça vous gêne pas, je propose. Si, j'espère que je vous embête pas, s'il vous plaît. C'est ok, pour moi. Merci. C'est ok, ok. Ok. Ok. Ok. Ok, je suis revenu, je suis dans la place. Ah, merci. On y retourne. Revival. Pizza. Partie de pizza. Partie de pizza. Est-ce que vous aimez toujours la pizza ? J'aime la pizza. Super. Allez, tout le monde pour la pizza. Je veux tout le monde. On est là. Michou, c'est pas sympa ce que t'as dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'on retourne sur pizza, mais bon, ça marche. Pauvre Gu. Ouais, c'était très bien. Sam, branche ta guitare, viens, s'il te plaît, allez, viens. Wow. Là. T'es là? Il y a un enregistrement, je crois. Là. Ouais. Se connecter. Il y a pas de soucis. Écho. Ok. Vas-y. J'ai vraiment galéré quand même avec les crépitements. J'ai vraiment pas trop. Là, ça marche. Donc c'est juste ton micro, c'est ça? Super. Super. Yes. C'est ton super. Micro c'est... Yes. Oui. Super. Yes. Oui. Super. Non, même pas. Tout à l'heure, là, quand on jouait juste avant Pizza 2, en fait, c'est le synthé qui se mettait à crépiter, pas le micro, donc j'ai rien compris de ce qui se passait. Il se passe des choses inquiétantes. Ouais. Super. Oh, c'est fort. C'est trop étrange. C'est inquiétant. Sam, tu as clipping 3, 9, 3, 7, 2, 4 dB. Voilà. Ouais. T'abuses, c'est pas très sympa. Wow. C'est vraiment dur de parler. Korg aussi là. Ah, j'ai une machine à musique en fait. J'avais complètement oublié. Ah. Il aime pas la PS3. Cool. Merci mec. Back. Pendant la guerre sur le champ de bataille. Bonjour. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas mal. Je suis votre nouveau conseiller en assurance. Non, c'est pas vrai. Salut. Bonjour. Waouh, mais ça fait peur. Qu'est-ce que ça... Rémi, il a battu le record, il est monté à 21. Salut Rémi. Salut Rémi. Excusez-moi. Il y a mon pied de micro qui queen. Oui, en fait j'ai de l'écho, mais c'est généré par mon ordinateur, c'est pas écho. Enfin, je comprends pas en fait comment ça marche. J'en ai marre. Auto-tune. C'est vraiment. Il y a moyen. Non, il y a sympa. On peut mettre une boîte à rythme, s'il vous plaît. Je sais pas si ça vous dit. Yes. Coca. Qui joue Seven Nation Army, c'est mignon. Mais ouais, bonne idée. Thank you. J'y avais jamais. Pas les enfants, dimanche, c'est Pâques. Morceau street, on fait un gros morceau street là. Ouais, mais il y a un fight de batterie, il y a un battle. Oh là là là là là. D'accord. C'est moi. Ok. Ok. Ok. Fight. C'est le gros clash. On se met énervé contre tous les gens. Tu vois, on va content. Ça donne envie de m'énerver. C'est pas comme ça qu'il faut parler des choses. On n'est pas comme ça. On est pas comme ça. On est là. Super. Très bien. Je suis ok. Wow. Maison. Bien le batteur. Bonne nuit, Aurélie. J'entends un orgue, bon tant pis. Non ? Ouais, ouais, c'est, wow. C'est pas un bon tant pis. C'est un Magnus qu'on m'a prêté. Ah, c'est un Magnus, pardon. Ce qui est drôle, c'est que les notes sont fausses. Ouais, c'est des notes qui n'existent pas. Faut. Ouais, on, ouais, t'as pas l'oreille. Dans la maison, les étoiles, là. N'importe quoi. Ouais, c'est pareil chez moi sur mon bon tant pis, genre. Comme t'as pu entendre dans ton anniversaire. Ah, j'ai pas l'oreille absolue, donc j'ai pas remarqué. Mais c'était bien, c'était très bien. La oh, maison. La maison. La maison. La maison. La maison. Maison. Maison. Je sais maison. Si c'est ça. Eh hey. Oh. En plus, j'avais fait n'importe quoi, moi, avec les notes dans la reprise. Maison. Maison. Maison. Maison. Maison. Putain, Rémi, il est à bloc, là. Sur la batterie. La respect, mec. Maison. Étoile. Mais en fait, un truc qui me déstabilise, c'est que je comprends pas à quel point t'es un star, en fait, Kiss My Dear, que Benjamin. Ça, et en fait, c'est parce que je suis plus dans le temps. J'existe pas vraiment dans l'espace, et donc du coup, je me suis décroché du temps. C'est ma théorie. Mais ouais, moi non plus. Parce que là j'ai parlé et t'as répondu genre 15 secondes après. C'est chaud, mais bravo. Ouais, ouais, je remarque aussi, c'est... Mais c'est rigolo, j'aime bien. Roger. À vous. On finit toutes nos phrases par à vous. La maison et les étoiles. Maison et les étoiles. Ouais, on s'en sort, c'est ça qui est important. La maison et les étoiles. La maison et les étoiles. La maison et les étoiles. Étoiles. Maison. La maison et les étoiles. Étoiles. Maison. les étoiles, la maison, la maison. La maison et les étoiles, la maison et les étoiles, la maison et les étoiles, la maison et les étoiles, la maison et les étoiles. C'est un reggae là. Wow, wow, wow. La maison.